La chère Carmen. Sur Nintendo 3DS, Pro Evolution Soccer 2012. Sur le eShop en ligne seulement sur la 3DS, Sakura Samurai Art of the Sword. Et sur DSiWare, donc sur Nintendo DSi seulement en ligne, c'est Undead Storm. Donc 21 jeux parus cette semaine. Allez voir la liste complète sur assemblagerequis.com. Et voilà pour CNX. Beaucoup trop longue chronique de récapitulatif de la fin de semaine. Ouais, c'est tout le temps ça le lundi. Ben, c'est ça. Hein. C'est un peu plate, mais c'est ça. Tesh.com. Après la pause, les chroniques de mardi et mercredi à CNX.zip. Vous êtes toujours à CNX.zip, émission qui compresse les chroniques technologiques CNX diffusées dans Assemblage Requis. Vous pouvez trouver les notes de l'émission et les balado-diffusions sur assemblagerequis.com. On continue avec la chronique de mardi. Mardi. Je vous ouvre grand mon livre geek. Aujourd'hui encore, pour vous dévoiler les nouvelles des 24 dernières heures depuis hier matin. Commençons par quelques nouvelles de Twitter. Le Twitter, comme je l'appelle. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le Brésil demande à Twitter de bloquer les informations sur les barrages de police. Le bureau du procureur fédéral du Brésil dépose une poursuite contre Twitter pour avoir laissé circuler sur son réseau de l'information sur les barrages pour alcool au volant et les radars de vitesse. Comportant également une injonction, la poursuite demande au département de la justice de l'État de Goiás de bloquer les comptes des utilisateurs fautifs. Selon l'agence de presse O Globo, le Brésil connaît un essor exceptionnel quant au nombre d'utilisateurs du site Twitter. Avec plus de 300 000 Twitter notes, il n'a pas fallu attendre bien longtemps pour voir s'organiser des sites de mouchards avertissant en temps réel de la présence des contrôles routiers, autant pour la vitesse que pour l'alcool au volant. Par exemple, on peut toujours voir en service en ce moment des comptes comme celui de l'ACRJ, qui fait référence au raffermissement des autorités brésiliennes face au problème de l'alcool au volant. Le nom, c'est la loi sèche de Rio de Janeiro, dans le fond, le nom de ce compte-là. Même s'il diffuse de l'information que la police préférait garder confidentielle, le site s'est vu récemment décerner un prix aux Shorty Awards qui récompense les sites de micro-contenu à travers la toile. On a vu dernièrement Twitter se plier sous la pression des pays qui menaçaient de l'interdire si on ne laissait pas les autorités exercer une certaine censure sur leur territoire. Dans le fond, c'est Google veut rester ouvert dans les autres pays. Même ces pays-là également sont un petit peu plus stricts. Donc, ils s'arrangent pour faire ce qu'ils demandent. Mais en même temps, c'est ça. Je veux dire, c'est une plateforme comme n'importe quelle autre où tu devrais pouvoir dire ce que tu veux. Mais bon, c'est public, ces affaires-là. Idéalement. Il y en a qui ne comprennent pas ça. C'est ça. C'est pas de même partout dans le monde. Parlons du Twitter. Là. Au Super Bowl, Twitter a battu son record de tweets de gazouillis. C'est 10 000 gazouillis par seconde qui étaient versés sur le réseau social dans les trois dernières minutes du Super Bowl. À son sommet, c'était 12 233 gazouillis par seconde qui étaient versés sur Twitter. La scène d'Eli Manning menant son équipe à la victoire lors de la dernière séquence offensive des Giants. Hein. Je parle au travers de mon chapeau en disant ça. Et la phrase. Hein, c'est... Ah, tu lis bien. Merci. Menant au toucher victorieux et l'événement qui aura fracassé tous les records sur Twitter. L'annonce lors des MTV Awards que Beyoncé était enceinte était l'ancien moment détenteur du record avec 9000 gazouillis par seconde. Eh boy. Hey, non, faut-tu avoir du temps à perdre? Hein? Pour un événement sportif, l'ancienne performance à battre était de 7196 gazouillis par seconde lors de la victoire du Japon sur les États-Unis lors de la Coupe du monde féminine de soccer. La performance de Madonna lui a valu quelques 8000 gazouillis par seconde pour environ 5 minutes et on parle de 10 245 gazouillis par seconde à son sommet. Pour le spectacle de Madonna, là. Eh, qu'est-ce que tu veux? Ah, regarde. Yo, Flip. Un mouchoir maintenant qui vous dit que vous devez voir le médecin. Un mouchoir? Oui, un mouchoir. Okay. Un dépendant de la couleur de, c'est ça, de tes sécrétions. Ouais, j'imagine. Une batterie complètement flexible vient d'être mise au point par l'équipe de Maxime Scorobo-Gatille, professeur agréé à la Polytechnique de Montréal. Formée de matériaux thermoplastiques, cette nouvelle forme d'énergie s'intègre parfaitement au tissu, contrairement à l'ancien textile intelligent qui comprend des puces électroniques faites de silicone rigide. Je cite, le but principal est de démontrer que le textile intelligent peut fonctionner de façon autonome, l'idée de créer des éléments électroniques qui s'ingèrent mieux au textile. Présentant l'apparence de cuivre artificiel et ne mesurant que quelques millimètres, cette batterie souple et flexible ne présente pas de danger pour l'utilisateur. La couleur peut même être modifiée pour faciliter l'intégration au textile. L'équipe de M. Scorobo-Gatti travaille d'ailleurs en étroite collaboration avec le département de chimie pour développer différents outils, par exemple les capteurs biochimiques intégrés dans un mouchoir qui pourraient capter la présence de bactéries et en avertir son utilisateur. OK. Incroyable. L'intégration se doit d'être subtile et complète car les consommateurs ont souvent la perception d'être des robots avec l'intégration de l'électronique. Ils ne doivent pas noter sa présence. Scoro Bogatti note aussi le conservatisme de l'industrie du textile qui tarde à s'investir dans ce genre de recherche. Je cite, « J'ai beaucoup voyagé pour présenter les résultats de mes recherches, entre autres pour le gouvernement italien, mais c'est très difficile de vendre ce genre de produit. » Étrange, parce que, je veux dire, une méchante bonne idée. Ouais. C'est l'idée qui devrait être simple à vendre, mais les gens sont beaucoup trop conservateurs dans la vie. C'est comme ça depuis toujours. Hein. Mm. Parlons de Facebook maintenant. Certaines photos qui sont encore en ligne 3 ans après leur suppression. Inacceptable, complètement, évidemment. Une enquête menée par le site Ars Technica a révélé que certaines photos supprimées par les utilisateurs de Facebook restaient tout de même accessibles 3 ans plus tard par l'intermédiaire de liens directs. Le réseau social a répondu en annonçant l'arrivée d'un système de suppression automatisé plus efficace. En 2009, Ars Technica s'était déjà penché sur la problématique de suppression de photos sur Facebook et avait alors constaté que le système mis en place par le réseau n'était pas toujours efficace. Le site avait alors chargé et supprimé les photos sur différentes plateformes, Flickr, Twitter, MySpace et Facebook, en mai 2009 et constaté en août que Facebook et MySpace hébergeaient toujours les images. À l'époque, est-ce que t'es supprime puis ils sont encore là? Ouais, c'est ça, ils sont encore là. Okay. En quelque part, est disponible par lien direct, comme on disait. Donc, tu peux, si tu as encore le lien dans tes favoris, si mettons, tu as mis le lien de la photo en tant que telle dans tes favoris, tu peux y retourner même si la photo a été effacée 3 ans plus tard. Ars Technica fait le bilan et constate que rien n'a changé. Pire, certaines photos supprimées en 2009 sont toujours accessibles. Ça s'obtient les liens directs, comme on disait, en faisant un clic droit sur une photo. L'expérience est facile à faire. Il suffit de supprimer une photo d'un album quelconque après avoir récupéré son adresse directe pour constater qu'elle reste disponible. Facebook complète son explication en annonçant la mise en place prochaine d'un nouveau système de sauvegarde qui permettra la suppression totale des photos stockées dans un délai maximum de 45 jours. Encore une fois, moi, 45 jours, pourquoi 45 jours? Tes effaces sont effacées. Je comprends pas pourquoi tu devrais... Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, tout à fait. Le réseau espère le mettre en place dans 1 mois ou 2. Pourquoi pas maintenant, t'sais? Ils ont des gars qui travaillent là-dessus à temps plein. Ils ont des centaines d'employés, sinon des milliers. Ah, j'imagine. Je sais pas. C'est pas dans la priorité. Hein. J'imagine trouver des nouvelles façons d'intégrer de la pub un petit peu partout, ça doit être pas mal ça la priorité. Hein. C'est plus payant. Ouais. Ou faire que tout bug, genre que tu peux même pas poster sur les walls des gens en ce moment. Je sais pas si t'as remarqué ça. Non? Tu peux pas poster sur les murs de ben des gens. Il y a ben des gens qui... Ça marche pas. Ma copine et son ami sur le mur de ma copine sont prêts à s'écrire. Oh ouais. Genre pour se dire bonne fête, comme dans hier, j'ai oublié de dire bonne fête à ma blonde en onde. Fait qu'il y a bonne fête. mais non, tu t'allais fait dire? Ouais, c'est ça. Bonne fête! Marie-Ève. Picon! Bon. Madame Picon! Quel âge, c'est une question qu'on ne demande pas à une fille, mais tu me le demandes à moi, je suis un gars. Oh ouais, 27 ans. C'est ouais. pas toi, t'as 27 ans? Ou? Lui, elle. Elle. Moi, pas lui, moi. Moi, elle, toi. Wow! Wow. Ouais. Tu dis que c'était un homme. Ah non. Ok, je m'excuse. C'est malaise. Ouais, c'est ça. Hey, c'est toi qui, tu m'as pas dit bonne fête hier, non, mais j'étais peut-être un homme, par contre. Aujourd'hui. Amazon aura-t-il finalement pignon sur rue? Les sources proches de l'affaire pourraient avoir confirmé une rumeur redondante au blog Good E-Reader. Good E-Reader, oui. Amazon aurait bien l'intention d'ouvrir un magasin physique dans la ville de Seattle, aux États-Unis. Ne vous attendez pas à retrouver les dizaines de milliers d'articles vendus par le géant du commerce en ligne dans un vaste espace d'entreposage à la IKEA. Non, c'est pas ce qu'on va avoir du tout. D'après le blog, la boutique ayant pignon sur rue miserait plutôt sur la vente des lecteurs de livres numériques, hein, évidemment la famille Kindle, comme le nouveau Kindle Fire, ainsi que leurs accessoires respectifs. Bien que plusieurs livres y seraient aussi vendus, sûrement les best-sellers, les produits exclusifs ou marqués du sceau d'Amazon y seraient favorisés. L'arrivée d'une telle boutique, dont la rumeur a aussi été relayée sur le web par Business Insider, Forbes et le Financial Post, donc c'est quand même des sources crédibles, servirait d'abord et avant tout à tâter le pot du marché, à savoir si une chaîne de boutiques de distribution Amazon pourrait être profitable. Moi, je trouve que ce serait une excellente idée. Ouais. Pour, entre autres, le Kindle, même si, bon, évidemment, le Kindle aurait pu être vendu par d'autres chaînes de magasins, mais j'imagine qu'ouvrir un magasin Apple est la façon la plus simple d'avoir tout le profit qui va de la vente de l'appareil sans diviser ça. On dit que le choix de Seattle semble logique pour y implanter une boutique expérimentale, car Amazon a basé son siège social dans cette ville-là. Ah, ça, c'est vraiment stupide. Une publicité télévisée pour une tablette tactile commercialisée par un groupe taïwanais a suscité des commentaires indignés à Taïwan. Elle met en scène un sosie de Steve Jobs, fondateur d'Apple, évidemment, qui est décédé à l'automne, déguisé en ange. Dans cette publicité, un comédien célèbre taïwanais vante les mérites d'une tablette de Action Electronics alors qu'il est vêtu d'un jeans et d'un pull noir à col roulé. La tenue traditionnelle de Steve Jobs, il a une paire d'ailes d'ange et une auréole. Tu sais? Un léger manque de respect. Hein? C'est divin, comme du fromage là, Philadelphie. Là. Oh, la tablette d'Action Electronics fonctionne sous le système Android que Steve Jobs accusait de plagiat. Hein? Sur Facebook, le Taïwanais Ruo Khan a vivement critiqué sa publicité, la qualifiant de superficielle et de manque de respect pour la famille de Steve Jobs. Je pense que c'est assez évident. La plupart des réactions sur Internet, taïwanais étaient négatives. Il n'y a sans doute rien de scandaleux à jouer le personnage de Steve Jobs, dit-il, mais il est regrettable que Aken, l'humoriste, là, le fasse pour vanter les mérites de produits concurrents à ceux créés par Apple. Ça, c'est un internaute qui a écrit ça sous le nom de Sweetheart. Bref, drôle d'idée, ça. Copier le look de Steve Jobs qui est décédé. Ouais. Pas malade, hein? Ça, c'est moyen. Moyen. Le monde a tremblé ces derniers jours quand des fans en furie ont découvert que le dernier roman Mass Effect sorti aux États-Unis était truffé d'erreurs et d'incohérences avec l'univers du jeu. C'était un livre basé sur le jeu vidéo Mass Effect. Ce sont donc un peu les risques, nous dit l'article, quand on développe un univers étendu sans sortir son tampon à valider. Ah oui, bien dit. BioWare tient à rassurer les fans, les choses seront rapidement corrigées. Malheureusement, le studio ne prévoit pas d'envoyer un fichier PDF à imprimer pour remplacer les pages incriminées. Ce qu'ils auraient pu faire, mais plutôt de rééditer le roman Mass Effect Deception. Ils vont rééditer le roman Mass Effect Deception. Article extrêmement mal écrit. Mais quand même, il y a eu des erreurs dans ce livre-là. Évidemment, si c'est pas les créateurs du jeu qui eux-mêmes ont inventé l'histoire et puis que les gens qui ont écrit le roman ont pas nécessairement joué au jeu au complet ou à toutes les... Sûr. C'est sûr que ça peut arriver, mais en même temps, il devrait y avoir un processus d'approbation. C'est quand même assez logique. Sony sur les traces de la Wii U. On dit que c'est le site GameBeat qui a mis la main sur un brevet déposé par Sony en 2010 qui rappelle beaucoup ce que Nintendo projette faire avec sa Wii U, la prochaine console de salon de Nintendo. Le brevet en question décrit lui aussi un système permettant de combiner deux autres affaires, donc une console et un dispositif portable pourvu de son propre affichage, l'application réagissant en fonction de la position de l'engin tenu dans les mains, comme va faire la Nintendo Wii U. Sony a déjà fait la preuve de son intérêt pour ce genre d'application combinée avec la possibilité de jouer à des titres PS3 depuis une PlayStation Vita, la nouvelle console portable de Sony. Il est donc possible que ce brevet soit lié à ces fonctions-là, mais on peut également envisager que le constructeur ait dans l'idée de faire intervenir ses propres tablettes tactiles certifiées PlayStation ou encore qu'il prépare une PlayStation 4 équipée de son propre contrôleur spécial ou encore ça donnera rien du tout parce que vous savez, des brevets, c'est pas parce que c'est déposé que ça va être utilisé nécessairement. Ouais. Mais Sony qui copierait encore une fois Nintendo. Encore. Sinon, on va terminer avec le petit tour du net de la journée, pourquoi pas, avec deux, trois petites affaires que j'ai trouvées comme ça. Je sais pas si t'as vu sur Facebook depuis les derniers temps, ça roule toujours ces affaires-là de l'émission de Jimmy Kimmel, le talk show fin de soirée, où par exemple, bon, il demande à son public de faire des défis vidéo. Donc, il dit aux parents, mettons, d'enfants, dites à vos enfants que vous allez tous manger leurs bonbons. Puis filmer votre enfant, sa réaction. Ouais. Ça pogne beaucoup sur Internet. Donc, son plus récent vidéo, c'est qu'il a demandé aux gens de débrancher la télé de leurs amis pendant le Super Bowl. On s'entend que c'est peut-être pas le meilleur moment hein, de faire ça, mais ça donne des gens qui, des fois, sont quand même un petit peu fâchés. Peut-être un petit peu. Come on! What the? Ben oui, non? Ben oui, non? Inacceptable. En tout cas, c'est quasiment aussi drôle que le petit truc que tu pouvais installer, là, qui vendait sur Internet, t'as demandé, puis que tu pouvais fermer toutes les télés d'un magasin ou d'un bar en appuyant sur un bouton. Ah ouais? C'est le fun, ça. C'est un peu le même genre de principe. La vidéo est sur assemblagerequis.com. Il y a aussi, évidemment, des chats qui regardent le Poppy Bowl. Parce qu'en même temps que le Super Bowl, il y avait le Puppy Bowl. C'était un match de football joué par des chiens là, dans une espèce de petite cage, là, de petit genre de terrain de football. Donc, c'est des douzaines de chats qui ont apparemment regardé ce Puppy Bowl et les gens ont posté des photos sur Twitter. Donc, vous pouvez aller voir toutes ces photos-là sur assemblagerequis.com. Et il y a un groupe, c'était la vidéo d'un groupe de 5 jeunes accordéonistes nord-coréens. Je sais pas si t'as entendu parler de cette chanson-là. Non. C'est qu'ils refont une chanson du groupe A-ha. C'est super bon, c'est ça. Ok. Hein? Quand même. Oh, ouais. Sur YouTube.com, évidemment. Et ça a été vu jusqu'à maintenant à 571 000. Ouais. Take on me, style nord-coréen. Voilà pour ça. On va se quitter en chiptune avec une pièce que j'ai essayé de choisir qui soit pas trop violente, mais en même temps, je sais pas où est ton standard de non-violence cité dans les chansons chiptune. C'est la rapidité et puis... Le nombre d'éléments en même temps. Ouais. On écoute, c'est l'artiste Solar Bear avec la pièce Become the Mayor of Cannes dans la chronique CNX sur C'est Fou 89 FM. Ça passe. Break. Wow. Borderline. Solar Bear avec WV Become the Mayor of Cannes. Tu sais, quand c'est un titre comme ça. Là, c'est le titre. Là. Il va falloir que je choisisse une chanson qui a un beau titre, c'est ça. Hein? Après ça, tu vas me parler du nom de l'artiste. Oh boy. Et bye bye. .com. Mercredi. On commence avec Twitter, où les informaticiens dévoilent un algorithme qui prédit le niveau de popularité d'un article d'actualité publié sur Twitter. Ah ouais, avec des mots? Ouais, exactement. Du 8 au 16 août 2011, Bernardo Huberman et son équipe de chercheurs du HP Social Computing Lab de Palo Alto ont analysé les articles compilés par l'agrégateur Feedzilla. Chaque article était évalué selon quatre critères. La source de la nouvelle, sa catégorie, la subjectivité du langage utilisé et les personnes ou les choses qui étaient mentionnées. Ils ont noté comment et à quelle vitesse ces nouvelles se sont propagées dans Twitter pour déterminer comment ces quatre facteurs influencent la popularité d'un article. Suite à ces observations, ils ont pu créer une règle générale qui permet de prédire le succès d'une nouvelle sur Twitter en se basant seulement sur son contenu. Et selon Huberman, l'algorithme serait précis à 84%. La recherche remarque également que les articles qui cumulent le plus de retweets, ça c'est quand les gens repostent, c'est comme un genre de sharing. Bref, qui cumule le plus de retweets ne proviennent pas des grandes agences de presse, mais plutôt des blogs technologiques comme Mashable ou Google Blog. Entre les quatre critères présentés, celui qui a le plus d'importance pour le lecteur est la source de l'article. Les médias utiliseront-ils cette formule mathématique pour tweeter? Eh bien, aucune prédiction encore, mais vous pouvez aller voir la photo, la capture d'écran. Est-ce qu'il l'envire ou ça? Quand tu es dessus, ça ouvre pas. En tout cas, c'est une vraie formule mathématique. Ça a l'air assez complexe. Assez complexe, cette affaire-là. Parlons maintenant du tiers-monde où une application mobile et des lunettes liquides s'en viennent pour améliorer la vue. C'est vrai. C'est cool, ça. On dit qu'un milliard de personnes au tiers-monde présentent un problème de vision qui les empêche de bien fonctionner. Deux compagnies ont mis à profit la technologie pour leur venir en aide. iNetra a mis au point une application pour téléphone cellulaire jumelée à une petite lentille vendue 2$ qui permet d'effectuer un examen de la vue. Même si ce système n'est pas aussi efficace qu'une visite chez un ophtalmologiste, il ne permet pas de diagnostiquer les maladies graves comme le glaucome. Ses possibilités sont immenses pour le continent africain. Je cite, « Le téléphone fait tout. Il projette les images et fait aussi les calculs », explique un gars de chez iNetra. La compagnie du Massachusetts est présentement en période de test et prévoit offrir le service dans les pays sous-développés, mais également dans des régions plus riches du globe. Dans le cadre du projet Global Vision 2020, le Center for Vision in the Developing World travaille en collaboration avec Dow Corning, une compagnie du Michigan spécialisée en silicone, pour développer une paire de lunettes peu dispendieuses dont les verres sont fabriqués avec du silicone liquide. Le représentant de Dow Corning explique que les lunettes sont équipées d'une petite pompe qui peut ajuster la forme de cette lunette liquide. L'utilisateur cache ainsi un œil et pompe du silicone dans la lentille jusqu'à ce que sa vision soit claire. Débile. Ouais. C'est génial, ça. Oh ouais, c'est génial. Cool. L'entreprise travaille maintenant à développer un nouveau design pour la monture. Donc, ça marche tellement bien qu'ils peuvent maintenant se soucier du look de la chose. Tant mieux. On reste dans le domaine des lunettes. C'est le secret le moins bien gardé de toute la Silicon Valley. Google aurait conçu un prototype de lunettes qui se doublerait d'un ordinateur et serait possiblement connecté à Internet. Une source du site 9to5 Google a pu voir le prototype et affirme que l'objet ressemble beaucoup à un modèle de lunettes fabriqué par Oakley. Les lunettes de Google seraient dotées d'un appareil photo, de reconnaissance vocale et d'un système de navigation qui serait contrôlé à partir de mouvements de la tête. Les Google Goggles... Ce sera pas évident pour ceux qui prononcent déjà Google, Google. Hein? Ouais. Ça va être les Google, Google. Ça va être beau. Pourrait avoir une connexion Internet via Wi-Fi, rapporte 9to5 Google et, ou Google. Et ferait office de téléphone multifonction. Le produit est loin d'être fini, écrit le site Internet, qui ajoute toutefois que Google envisagerait de le lancer bientôt dans le cadre d'un projet pilote. Oh, un projet pilote! Pilote, des lunettes de pilote d'avion. Ils ont des lunettes. Ouais. On parle d'Apple maintenant qui est en négociation avec Rogers et Bell pour ce qu'on appelle dans le domaine l'ITV. ITV, la supposée télévision d'Apple. Selon ce que rapporte le journal Globe and Mail, Apple serait à la recherche de partenaires canadiens pour le lancement de sa télévision appelée l'ITV pour le moment. Selon une source proche du dossier, Apple est à la recherche d'une ou de plusieurs entreprises qui seraient capables d'offrir du sans-fil et des capacités réseau. D'après une autre source, Rogers et Bell auraient déjà à leur bureau un prototype du futur produit. Le quotidien canadien a aussi levé le voile sur certaines des caractéristiques de cette télé de la marque Apple. En effet, elle inclurait Siri, qui est l'application assistant personnel là, pour iPhone, etc., que tu peux demander à écrire un message texte. Elle aiderait l'utilisateur à faire des choix dans la sélection de ses émissions passant à la télévision. On imagine qu'on pourrait, par exemple, demander à sa télé de trouver des émissions de sport. Trouve-moi un Ricardo, mettons. Suite! À l'instar de Kinect, le téléviseur pourrait être contrôlé avec sa voix ou avec de simples gestes. Un clavier virtuel serait aussi disponible sur l'écran de l'appareil et ça permettrait de naviguer sur Internet, de faire de la vidéoconférence ou encore de mettre à jour son statut Facebook. Il est évident qu'un tel appareil pourrait révolutionner le monde du petit écran, dit branchez-vous.com. Les consommateurs auraient donc droit à un gros appareil tout en un. On parlait, là, j'avais lu un modèle 42 pouces de l'ITV. Les rumeurs courent que ça vaudrait 1 500$. Un 42 pouces? Tu payes bien moins que ça pour un 50 pouces en ce moment. Bah, ouais, c'est ça. Ça reste un produit Apple quand même. À plus le Apple Care, hein, là-dessus. Faut oublier ça. Maintenant, parlons d'une nouvelle assez fascinante. Une mâchoire entière reconstruite à l'aide d'une impression 3D. C'est une femme de 83 ans qui a récemment reçu une prothèse de mâchoire en titane réalisée par le biais de la fabrication additive qui consiste à imprimer des objets à partir de modèles 3D. Cette grande première a été réalisée par une entreprise belge. La femme âgée qui a bénéficié de cette prothèse totale de mâchoire était touchée par l'ostéomyélite, une maladie qui détruit l'os. C'est comme les gens qui disent « c'est tes affaires », là. Je comprends pas ça. Une maladie qui détruit l'os. Donc, ces chirurgiens ont décidé de la remplacer par une mâchoire en titane, la première en son genre, dessinée sur mesure en 3D. Elle a été fabriquée par une technique d'impression 3D. Un laser de précision géré par ordinateur chauffe petit à petit des particules de poudre de titane pour établir des couches successives et créer la forme désirée. Le résultat n'est pas non pas taillé dans un bloc métallique, mais bel et bien imprimé petit à petit selon un modèle défini. Il a fallu 33 couches pour fabriquer 1 mm de hauteur. C'est beaucoup. L'entreprise Layerwise, située à Louvain, en Belgique, est à l'origine de ce procédé. Et puis le directeur général de la société a expliqué que la fabrication additive permet de concevoir des formes libres et très complexes à partir de dessins assistés par ordinateur dans l'optique de chirurgie. Ça pourrait devenir plus populaire, se démocratiser et fortement aider la médecine à concevoir des implants extrêmement précis. Cette première mondiale s'est avérée concluante et la patiente peut désormais parler, mâcher et avaler normalement. Et après le projet de chercheurs américains de se servir de la technique pour imprimer des os, il s'agit d'une preuve supplémentaire que l'impression 3D a de l'avenir dans de nombreux secteurs. Et je suis bien content d'entendre ça. Vraiment. Maintenant, une faille qui permet d'épier les gens à la maison. Un fabricant américain de caméras de surveillance reliées à Internet, TrendNet, a annoncé une mise à jour de son logiciel pour remédier à une faille qui permettait à des internautes d'épier ce qui se passait chez d'autres. La faille révélée le mois dernier par le blog Console Cowboys fournit un accès en temps réel aux images diffusées par des caméras sans qu'il soit nécessaire d'entrer un mot de passe. Certaines images avaient été diffusées ces dernières semaines sur des forums Internet. Je cite « TrendNet s'est récemment aperçu d'une vulnérabilité Internet concernant de nombreuses caméras TrendNet Secure View Cameras. » C'est ce qu'a indiqué le groupe californien en présentant ses plus profondes excuses. « Dès que nous nous sommes aperçus du problème, nous avons pris des mesures immédiates pour corriger et mettre à jour nos programmes, ce qui résout la faille. » Une liste de 22 modèles de caméras vendus depuis avril 2010 dans plusieurs pays a été publiée afin que les propriétaires puissent télécharger le programme protecteur s'ils veulent. Ouais. Le chien marche pareil, là. Ah oui, c'est sûr. C'est ça l'affaire, là. Parlant de gens qui font les choses pas correctes, Symantec, la compagnie d'antivirus, ceux qui fabriquent Norton, se dit visée par un chantage de pirates informatiques. La société Symantec a annoncé qu'elle avait été victime d'une tentative de chantage de la part de pirates informatiques qui menaçaient de publier des codes sources volés si on leur donnait pas 50 000 $. C'est la nouvelle rançon à sorte qu'il n'a plus personne. C'est comme ça que ça se passe. Et voilà. Dans un échange de courriel mis en ligne sur le site pastebin.com, on peut voir comment Symantec a négocié avec le groupe Yamatov. Yamatov. Pas Yamaha, là. Yamatov. Tough. Quand tu dis ça, tough toi-même, là. Ouais, c'est ça. Tu l'es rarement. Rarement. Considéré proche des pirates militants de Anonymous. Allez, je cite les échanges avec le ou la personne, là ou les personnes, pas le ou la personne. Hey, toi, le personne. Hey. Essayant d'extorquer un paiement à Symantec était visé par l'enquête de la police. Vu que l'enquête se poursuit, nous ne révélerons pas quelles forces de police sont impliquées et n'avons pas d'autres informations à fournir, a indiqué Symantec. Le mois dernier, Symantec avait recommandé aux internautes utilisant son programme PC Anywhere de le désactiver. C'est un peu un genre de log me in, là, tu peux te connecter à l'ordinateur de quelqu'un d'autre. En raison du vol d'un code source. Par la suite, la société avait assuré que la dernière version du programme était protégée et a publié une mise à jour pour les versions précédentes. Le vol de programme en question aurait été commis en 2006. Ça, ben, ça date. Moi, je trouve ça niaiseux de demander une rançon, sérieusement. C'est sûr que tu vas te faire pogner. C'est impossible que tu t'en sauves. Il y a trop de nos jours de façon. C'est impossible. Non, mais c'est niaiseux. Ouais. C'est niaiseux. C'est naïf. Ouais. Mais tu sais, en même temps, pour être voleur en général, faut pas être super. Tu sais, je sais pas. Hein? Ben, tu peux voler. Je pense que t'as moins de chance si tu voles que si tu demandes une rançon. Ah, ben voilà, vous l'avez compris maintenant. Écoutez François, ses belles paroles. Non, non, voler. Non, mais tu sais, tant qu'à demander une rançon, c'est parce que si tu demandes une rançon, faut que t'aies un contact direct avec l'autre personne. C'est impossible. Quand même, qui te dit, va porter l'argent en dépanneur, tu restes là, t'attends qu'il tire. Non, mais c'est niaiseux. Non, c'est mettre l'argent dans une poubelle, c'est de même qu'ils font aussi. Ouais, là. Ouais, non, je sais, mais tu sais, encore là, vire l'argent dans tel compte. Mais ouais, mais ah, ouais. Mais beaucoup de misère avec ça, sérieux, je comprends pas. Ah, ouais. Moi, dans ma tête, ça peut pas fonctionner. Mais bon. Je pense que ça doit pas fonctionner si souvent que ça non plus, il me semble. Non, je pense que non. Ça doit pas. En tout cas. Parlons de jeux vidéo un peu, quelques nouvelles en bref. Vos jeux PSP sur UMD, les petits disques de la PSP, c'est des petits genre de petits disques CD en plastique, ne pourront pas être transférés vers la PlayStation Vita aux États-Unis. Eh hey boy! Au Canada. Kotaku a appris que le programme UMD Passport devait permettre de transférer ses jeux PlayStation portables sur la nouvelle PlayStation Vita, la nouvelle console portable de Sony, à condition de débourser quelques dollars, ce qui était déjà une crosse, parce que je veux dire, t'as déjà acheté le jeu pour le transférer sur ta PS Vita, fait que tu payes un autre genre de moitié prix. Genre, ils en font de l'argent. C'est ridicule. C'est beau. Mais ça n'existera pas en Amérique du Nord. C'est seulement au Japon que le programme existe en ce moment. Et les joueurs peuvent insérer leurs jeux PSP dans leur console PSP afin de les enregistrer sur le PlayStation Network, qui est maintenant le Sony Entertainment Network. Avec leur PlayStation Vita, par la suite, ils vont pouvoir télécharger ces jeux-là en payant des frais variables, mais aucune raison précise aux États-Unis. Ils n'ont pas dit de raison. On s'entend que la raison est évidente. Parce que pourquoi charger une fois et demi de prix quand tu peux charger deux fois le prix? Parce que si t'as acheté un jeu usagé, mettons, à 3$, c'est genre chez peu importe le nom, le magasin de jeux vidéo où vous achetez vos jeux usagés, il y a des jeux de PSP pour 3-4$. Si tu peux facilement le mettre dans ta PSP puis l'envoyer sur le réseau, ben Sony est perdant. C'est ça. Je peux comprendre, mais en même temps, il devrait y avoir une un petit compromis. Mettons. De toute façon, ces jeux-là, les gens les achèteront pas neufs. Non. La plupart. Non, non. Bref. Aussi, par rapport à la PlayStation, lors de l'événement Destination PlayStation, Sony a annoncé la PlayStation Move, le PlayStation Move Wheel, un volant qui permettra de jouer à des jeux de course qui supporteront PlayStation Move, commençant par le nouveau jeu Little Big Planet Kart Racing, que j'ai très hâte de voir. Ça va être exactement comme la Wii, il va être possible d'insérer la manette PlayStation Move dans le volant, afin que le joueur puisse contrôler son pilote, donc exactement pareil comme la Wii. Tour du net, 25 photos. Il y a tout le temps au moins une affaire de chat, on dirait, dans mes affaires de tour du net. Là, ça n'a pas de sens, mais bon. C'est ce qui marche sur Internet. C'est ça que les gens veulent voir. Donc, 25 photos de chats qui dorment dans des positions inconfortables. Par exemple, un chat qui dort en position presque assis comme un humain, tu sais, avec les pattes dans les airs, assis sur ses fesses. T'as deux chats qui dorment en cuillère. Super cute. L'autre qui est en demi-cercle, mais vers le ventre vers l'extérieur. Hein? T'as un autre qui se fait griller. Et complètement, sérieusement, le chat, là, il a les mains en arrière de la tête. C'est comme quand tu te fais bronzer. Ah ouais. Puis il est là, puis il est pas en l'air, puis il se fait bronzer même sous le toit. C'est super beau. Il y en a plein comme ça. Il y en a un qui a deux lits de chat un à côté de l'autre. Il est assis entre les deux. Il a les pattes de... En tout cas, c'est ça, c'est des chats. Publicité du Super Bowl 2012. Si vous avez raté, je sais qu'on aurait peut-être dû en parler lundi, mais je viens de trouver comme le site, je trouve, qui va le mieux parce qu'ils sont tous sur la même page de suite. T'as pas besoin de faire next ou de choisir. Ils sont tous là, fait que tu regardes de suite, là, que ce soit Bud Light, Audi, Pepsi, Hyundai, Bud Light, ben, encore Bud Light. M&M. Beaucoup de Bud Light. Que ce hein? soit Bud Light ou Bud Light ou encore Bud Light, vous les avez tous sur ce site-là, sur assemblagerequis.com. Et 15 exemples de comment les boîtes de céréales ont changé avec le temps. Tu sais, on voit des fois... j'ai vu à l'épicerie que Corn Flakes avait ressorti ouais, sa vieille boîte. Sa petite boîte, c'est cute. Hey, c'était pas cher, ça. Mais non. Le pognon d'île. Pour vrai, NPS. Ah ouais? Je t'ai dit. Moi, si c'était pas du fait que je trouve ça dégueulasse, des Corn Flakes, je l'achète. Ben, tu peux mettre plein d'affaires. Tu mets des fruits, tu mets des bananes là-dedans. Tout. Ouais, fait que ça va être des céréales molles avec des fraises. Oh, ou ça va être des céréales molles avec des bananes. Non, moi, je trouve ça bon. Je trouve ça. Ah, c'est pas mauvais. C'est juste mou. Faut que tu les manges vite. Faut que ça soit bien pressé. T'en rajoutes à la limite après. Au lieu de t'en faire un bol. Je fais ça des fois moi aussi, mais avec des Reese's. Avec quoi? Des Reese's, là, tu sais, au chocolat. Ah oh, ouais? Non, j'ai pas goûté à ça. Une nouvelle Corn Pops à la cannelle, tu goûtais? Non. C'est bon? Non. Mm-hmm. Fruit Loops? Ouais, Fruit Loops. C'est pas nouveau. Non, c'est pas aussi nouveau. Ça fait longtemps qu'ils ont pas sorti une nouvelle couleur. Là. Ah, j'avoue, hein, parce qu'ils goûtent tout tellement différemment. Ah, ben, c'est ça exactement. Écoute, t'es choisi. Tu sais, qu'est-ce que j'ai goût dans cette bouchée, en tout cas. Dans cette bouchée, j'ai choisi les roses. Ouais, c'est ça. Puis là, tu. Tic. Donc, sur le site, il y a les Cheerios de 1946 comparés à maintenant. C'est très, très différent. Il y avait le chien de chose de. Comment ça s'appelait plus tôt? Le chien? Plutôt. Ça, c'était... Les oreilles. Ouais. Il y a les Booberry. Ça, je connais pas ça pour tout. Les Coco Puffs. Ça a l'air bon. Les Count Chocolat. On a pas ça ici, les Count Chocolat. Coudonc, on fait quoi au Québec? On fait quoi avec les Canada? Canada, c'est canadien. C'est n'importe quoi. Les Frosted Flakes, les Kix, Lucky Charms, Trix, Apple Jacks. Ça, c'est le fun qui a mis les Apple Jacks au Québec. Bref, je suis pas de céréales longtemps. Ça fait pas si longtemps que ça. Non, non, mais ça aurait pas de marqué que c'est des éditions limitées. C'est comme branchez-vous. Ouais. Mais quand ça fonctionne bien, il reste là. Ben ouais. Mais j'avoue que ça doit être intéressant. Je vais aller voir juste pour les Frosted Flakes. T'as pas le choix. Vas-y. Sur assemblagerequis.com. Ouais, ouais. Dans les notes de l'émission d'aujourd'hui. Et puis, évidemment, vous avez un petit top 15 pour terminer ça sur les noms de villes les plus bizarres aux États-Unis. Donc, Cookie Town en Oklahoma. Cookie Town. Toad Sock ou Suçage de crapaud. Toad Sock. C'est la ville en Arkansas. J'aime bien quand tu dis suçage de crapaud, Mathieu. Oui, ben ça me fait plaisir de traduire ça. C'est à l'oreille. Je peux traduire Santa Claus, c'est comme Père Noël en Géorgie. Ils disent la ville qui aime les enfants. C'est un peu louche, je trouve. Ouais, c'est avec ça. Un vieux monsieur avec sa poche en arrière. On les aime beaucoup. C'est ça. Why not? Pourquoi pas? Mississippi? Ah, ça c'est pour moi. Cheesecake, gâteau au fromage au New Jersey. Non? Accident au Maryland. Bird in hand, un oiseau dans la main, de la Pennsylvanie. Hope you like it. J'espère qu'on aime ça en Géorgie. Ah, parce qu'il y en a plein, même. Allez voir. C'est joli. On se quitte avec du chiptune. Un peu de musique, de jeux vidéo. Je t'ai choisi ça semi-intense, mais pas trop. En même temps, j'espère ne pas te brusquer. Je pense tout que tu avec des titres de feu, hein? Damon Kaka. Kazweer O'Johnson. Avec la pièce Breakthrough. Ben, ok, ouais. C'est pas pire. Non, c'est pas super. Non, mais le titre avait de l'air ça de long. Ça prend ça. Ça de long. Tarnac. C'est un beau mime, hein? C'est pas parce que le titre est long que la tonne est bonne. Pire, hein? Ouais. Hein, écoute, je l'ai pas écouté, celle-là. Ben là... on parlait comme ça, là. On parlait de céréales, en fait. Ouais, c'est con, hein? On parlait vraiment de céréales. C'est con, mais c'est bon aussi. Ouais, c'est ça. Ça dépend lesquels. Les Apple Jacks, là, c'est une pomme avec deux céréales à la place des yeux et un chapeau. Hey, ça fait dur, pour vrai. C'est borderline du mauvais goût. Genre, absolument. La coco aussi, là. Crispies. Coco Crispies. C'est raciste, on dirait. C'est comme un singe qui mange ses crottes. C'est borderline. Je sais pas pourquoi c'est raciste, mais en tout cas. Raisin Bran avec les abeilles qui déposent des. Des raisins pour les raisins, ouais. Abeilles. Des... Ah, parce qu'il y a des. C'est des raisins à saveur de miel. Hey, c'est vrai, t'as-tu vu? C'est marqué Honeycomb Coated Raisins. Ah, ouais. Ben, c'est plus au miel, ça. Non, je pense pas. Ah, ben, carrément. Moi, j'aime pas ça. Ah, pour vrai, moi, j'aime beaucoup. Ah, ouais, pour vrai? Ouais. J'aime beaucoup le fait que les raisins secs sont très, très sucrés. Ok. Ah, ben, il doit avoir encore du miel là-bas. Ah, ben, peut-être. Mais ça vient compenser pour la platitude des cornflakes, dans le fond, parce qu'on s'entend que c'est des cornflakes, ça. Là. Mais moi, c'est vraiment les raisins. Tu sais, les petites boîtes rouges, là. T'sais, ouais, quand on mange quand on est petit. Avec la madame, là. En fait, je me rappelle pas comment ça s'appelle. Non plus. Mais on dirait que j'en ai comme trop mangé quand j'étais jeune. Et puis là, j'ai une 47. Et ça dure, hein. Ça dure. Et je compte ça. Je compte faire perdurer ça des années et des années encore. Mais ça aiderait à ta digestion. Ah ouais? Des raisins secs. Ouais, ça doit être comme des prunes. C'est quoi ce move-là, Mathieu? C'est par en bas. Ouais, c'est ça. Ça pousse par en bas. T'en as besoin. Par en bas. À deux mains. À deux mains. C'est comme pousse la dedans et moule café, là. Tesh.com. Voilà qui termine cette édition de CNX.zip. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine, jeudi à 10h, en rappel dimanche à midi. Entre-temps, écoutez ces chroniques dans leur case originale à Assemblage requis du lundi au jeudi entre 7h et 9h avec François-Olivier Marchand et moi-même. C'était Mathieu Plante. Passez une excellente semaine et à la prochaine. Trash.com. Trash. dash.com.